Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Les députés ne sont pas unanimes sur le sort réservé à une certaine quantité d'ivoire gardée depuis 28 ans au bureau spécial de roulage. Devant la chambre basse du Parlement ce jeudi, la ministre burundaise du Commerce a indiqué que c'est une question à étudier conjointement avec d'autres. Et les habitants de Manda en province de Bouvanza trouvent exorbitante l'amende infligée au chef de colis. Nous l'on remarque la commercialisation des boissons interdites. Un d'entre eux vient de décoper de 500 000 francs d'amende sur une décision prise unilatéralement par le gouverneur de province. J-1 pour la célébration du 14e anniversaire de votre station, la radio Isanganiro. Encore et encore des félicitations et encouragements. Dans ce journal, vous suivrez ceux du parti UPRONA, des organisations PARSEM et ONELOP. Alors qu'en actualité internationale, la famille des journalistes de la République démocratique du Congo pleure la mort dans la nuit de lundi à mardi d'un confrère tué chez lui en Mbujimayi par des hommes en armes et en uniforme. Marcel Lubala était journaliste à la Radio-Télévision nationale du Congo. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour. Une amende de 500 000 francs burundais a été infligée au chef de colline Murengeza de la commune Manda en province de Bouvanza pour n'avoir pas suffisamment lutté contre une boisson locale appelée Kanyanga sur sa colline. Même si son chef a été relâché ce mercredi après 3 jours de cachot à la police judiciaire, cette sanction décidée unilatéralement par l'autorité provinciale sans aucune référence à la loi fait aujourd'hui polémique dans la région. Notre correspondante Spescaritas Kavanyana nous en donne quelques détails. Corinne Murengeza, en commune Manda, a été relâché ce mercredi après avoir passé 3 jours au cachot de police judiciaire. Il a été obligé de payer une amende de 500 000 francs burundais conformément à la mesure prise par l'autorité provinciale sanctionnant tout chef de colline qui n'aura pas suffisamment lutté contre les boissons prohibées. De son côté, ce chef de colline parle de montage puisqu'il avait fait arrêter les commerçants de Kanyanga qui était même détenu avec lui et dit ne pas comprendre pourquoi il peut être puni à la place des autres. Même d'autres chefs de colline contactés sur l'amende et demandent que cette mesure puisse être revue. Le gouverneur de la province de Bouvanza indique qu'à côté du décret loi mis en place par le premier vice-président de la République en collaboration avec le ministre de l'Intérieur à propos de la lutte contre les boissons prohibées, l'autre mesure mise en place par l'autorité provinciale vise à sanctionner d'une amende de 500 000 francs burundais tout chef de colline qui n'aura pas suffisamment lutté contre ces boissons prohibées sur sa colline. Tarsis Niyongabo, gouverneur de Bouvanza, ajoute que celui de Murengeza fait le 4e sanctionné et que 2 parmi les 4 vont être suspendus de leurs fonctions. Certains chefs de colline contactés s'inscrivent en faux contre cette mesure et parlent d'une mesure injuste et illégale. De son côté, le parlementaire indépendant élu dans cette province de Bouvanza parle d'injustice puisqu'aucune personne ne peut être sanctionnée à la place de l'autre, voulant parler des chefs de colline qui sont sanctionnés parce qu'il y a des commerçants et des consommateurs des boissons prohibées sur leur colline. Fabien Bantiganino ajoute que si même c'était une faute, l'amende de 500 000 francs burundais ne devrait pas être versée à la commune, mais plutôt à l'OBR, que la commune est autorisée à taxer une amende allant de 500 francs à 10 000 francs burundais seulement. Fiscalitas Kabanyana, Bouvanza, Radio Isanganiro. Merci Spes. Les députés ne sont pas unanimes sur le sort réservé à une certaine quantité d'ivoire gardée depuis 28 ans au bureau spécial de roulage. Les uns estiment que c'est à brûler du moment que le commerce de ce produit est prohibé, tandis que d'autres trouvent que c'est à conserver dans un endroit plus sûr pour ne pas tenter les fraudeurs. Devant la chambre basse du Parlement ce jeudi, la ministre burundaise du Commerce a indiqué que c'est une question à étudier conjointement avec d'autres ministères en s'appuyant minutieusement sur la loi. Il se tiendra à Bujumbura au mois de mars prochain une conférence des pays membres de la communauté est-africaine dont le but est de promouvoir et démontrer le potentiel régional en termes de ressources naturelles et du pétrole. Lors de cette réunion, il y aura aussi des séances d'excursion pour faire découvrir aux autres la culture et le tourisme de notre pays. Ce jeudi, le ministère de l'Énergie avait réuni les investisseurs ainsi que les représentants des autres institutions pour la mobilisation des fonds en vue de la préparation de cette conférence. Suivez comme Manila Kidza. Nous avons justement organisé une table ronde à l'intention de tous les partenaires, que ce soit au niveau du secteur privé, que ce soit au niveau des institutions de l'État, des institutions étrangères, dans le but d'échanger et mettre en place des stratégies de pouvoir mobiliser des financements qui sont nécessaires pour la tenue de la conférence. En fait, je voudrais vous dire d'abord que cette idée d'organisation de cette conférence est née des pays membres de la région est-africaine dans le but de pouvoir exhiber, montrer les potentialités au niveau des ressources naturelles et pour profiter de l'occasion aussi pour exhiber, aussi montrer la culture et le tourisme au niveau du développement de la culture et du tourisme au niveau des pays membres. La raison pour laquelle, au niveau de cette organisation, il y aura aussi des excursions qui vont avoir lieu justement dans le cadre de pouvoir montrer, découvrir la culture au niveau national, découvrir certains sites touristiques qui sont aujourd'hui attrayants ou qui seraient attrayants dans l'avenir, une fois développés. Et tout cela juste pour que le Burundi puisse montrer au niveau international. Et surtout que nous comptons avoir une affaire de 500 participants au niveau de cette conférence qui aura lieu l'année prochaine. Le ministre en charge de l'énergie et des mines en parlait, la mobilisation des fonds. Eh bien, le Burundi éprouve depuis quelques années des difficultés pour réunir les ressources nécessaires au financement du développement. Pire, les appuis budgétaires en provenance de l'étranger ont sensiblement diminué. C'est dans cette optique que l'organisation internationale ActionAid a organisé depuis ce mercredi un atelier de formation et de réflexion à l'intention des responsables centraux dans la mobilisation des ressources fiscales. Les détails avec Gildas Rouberingabo. Des problèmes des moyens de collecte efficaces des taxes et impôts se remarquent non seulement au Burundi, mais aussi dans presque tout le continent africain. Beata Moussabdi-Maria, la directrice de ActionAid, nous dit des lacunes que rencontre ce secteur de collecte des recettes fiscales. Il y a des problèmes dans la mobilisation des fonds, il y a des questions, des problèmes d'évasion fiscale, il y a des problèmes des incentives qui sont donnés aux compagnies internationales qui viennent, mais on ne voit pas la contre-valeur, contrepartie de ces incentives qu'on donne aux compagnies. Alors on veut discuter en tant qu'ActionAid, on veut amener les acteurs du domaine privé, de l'autorité fiscale au Burundi, à discuter sur cette question. Est-ce que le système est suffisamment outillé pour opérer efficacement, pour clôturer tous les aspects qui peuvent amener à manquer les revenus, à manquer, à collecter les taxes à travers tous les tuyaux qui existent. Pour nous, c'est cette conscientisation qu'on veut créer. Toute personne doit payer les impôts. Ce n'est pas une imposition forcée, mais c'est une responsabilité de tout citoyen. Quant à Sabimana René, chercheur professionnel en économie, qui a présenté ses recherches dans cet atelier, dit qu'au Burundi, l'impôt est payé par peu de gens, ce qui handicape le fonctionnement de l'État. L'impôt est généralement payé par des gens qui fonctionnent, qui opèrent sur le secteur formel. Et alors, ce secteur occupe moins, selon les statistiques, moins de 20% de la population. Autrement dit, on dirait que moins de 20% de la population paye l'impôt. Dans cet atelier qui durera 3 jours, l'on s'attend à ce qu'il y ait des recommandations qui pourront faire augmenter les recettes fiscales. Gildas Rouberingabo, il est 13h06 à Bujumbura. Plus de 1200 candidats à l'Institut supérieur des cadres militaires, ISCAM, sont déjà inscrits au niveau national, dont 100 filles et 6 batois. Ils sont appelés à passer le test ce samedi 19 novembre, comme contenu dans un communiqué rendu public ce jeudi par le ministère de la Défense nationale. Le porte-parole de ce corps a indiqué qu'ils devront se présenter au chef-lieu des provinces où se dérouleront les épreuves de français, mathématiques et anglais. Suivez le colonel Gaspard Baratouza, c'est le porte-parole du ministère de la Défense nationale. Les inscriptions pour toutes les catégories se déroulent normalement et le résultat atteint est appréciable. À une journée avant la fin des inscriptions, pour les candidats officiers, un effectif de 1228 candidats est déjà inscrit au niveau national, dont 100 filles et 6 de l'ethnie Twa. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants rappelle aux candidats officiers déjà inscrits que la date de passation du test intellectuel, initialement prévue pour le 21 novembre 2016, a été reportée au samedi le 19 novembre 2016. Les candidats devront se présenter au chef-lieu des provinces à partir de 7h du matin, munis du matériel nécessaire pour passer le test intellectuel de mathématiques, français et anglais. En guise de transparence de l'organisation du concours, le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants invite les élus du peuple, les honorables députés et sénateurs, les médias et l'administration pour passer aux différents chefs-lieux de province du pays ce samedi 19 novembre 2016 à partir de 7h, jour de passation des tests. Le colonel Gaspard Baratouza reconnaît que des jeunes Tutsis n'ont pas répondu à ces inscriptions comme pour les années antérieures et que les raisons restent toujours inconnues. Mais il indique toutefois que les effectifs atteints aujourd'hui sont rassurants car le grand problème était surtout l'obtention du casier judiciaire uniquement délivré à Bujumbura. Un document qui a été par après enlevé parmi les exigences. Encore une fois, le colonel Gaspard Baratouza. Il y a une commission de l'état-major de formation qui a fait une descente sur le terrain pour s'enquérir de la situation et connaître les causes de cette démarche qui n'était pas du tout normale. Le constat a été qu'il y avait l'extrait du casier judiciaire qui était très difficile à avoir vu que ce document était délivré uniquement à Bujumbura. Alors il y avait question des dépenses autour de l'acquisition de ce document. On a vu que c'était un obstacle, raison pour laquelle il y a eu un communiqué comme quoi on pourrait alléger et demander ce document plus tard. Après cela, on a vu qu'il y avait des facilités d'enrôlement, les effectifs ont monté, mais toujours dans la catégorie des candidats de l'ethnie Tutsi, il y a eu toujours un déficit par rapport aux années antérieures. Les raisons, c'est très difficile de les déceler aujourd'hui, mais ça se voit qu'il y a eu quelque chose qui a touché cette communauté. On ne peut pas le dire aujourd'hui, mais par la suite, ils sont venus. L'effectif que nous voyons ici est rassurant. Donc, constitutionnellement, il n'y a pas de déséquilibre au niveau des candidats. Pour ce qui est, puisque les recrutements se font au niveau des provinces, il y a la province de Gitega qui vient en tête avec 107 candidats, c'est jusqu'à hier. La deuxième, c'est la province de Ngozi avec un effectif de 103. Et les provinces qui n'ont pas répondu suffisamment, il y a Changuzo avec 14 candidats. Ensuite, la province de Ruyigi avec 28 candidats. Voilà, c'était le colonel Gaspard Baratouza, dont les propos ont été recueillis par Francine Ndihokubwayo. Il est 13h10 à Bujumbura et sur Isanganiro. Une courte pause et nous donnons la parole aux autres pour qu'ils parlent de nous, de la radio Isanganiro, à l'occasion de la semaine dédiée à la célébration du 14e anniversaire de votre station, notre station. C'est demain. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le parti UPRONA encourage et félicite la radio Isanganiro pour les messages de paix, d'unité et de réconciliation. À travers le porte-parole de son parti, l'UPRONA demande à la radio Isanganiro de tout faire pour que dans l'avenir, ces émissions ne soient pas suspendues. Suivez Maître Poncien Daïchimiye, c'est le porte-parole du parti UPRONA. Je commencerai d'abord par féliciter vivement et sincèrement la radio Isanganiro pour son action noble d'informer et de former la population burundaise. À l'UPRONA, nous avons constaté à travers les émissions de la radio Isanganiro un message de paix. Nous avons découvert un message d'unité, un message de réconciliation des Burundais. La radio Isanganiro, comme nous l'avons constaté, incite la population burundaise à trouver un terrain d'entente à travers le dialogue. Et cela nous dit faire pas à l'idéal de paix et d'unité nationale par le dialogue et la concertation prônée par le parti UPRONA. Et je saisis donc cette occasion pour encourager la radio Isanganiro à redoubler d'ardeur dans sa noble mission de réconcilier les Burundais, et de plaider pour une justice équitable, de défendre les valeurs démocratiques et de contribuer à un développement durable de la société burundaise. L'UPRONA n'a pas été satisfait de la suspension des activités de la radio Isanganiro. Vous savez, les Burundais ont beaucoup besoin de cette voie d'unité, de cette voie de la réconciliation. Et l'UPRONA demanderait à ce que la radio Isanganiro fasse tout son possible pour que dans l'avenir, ces émissions ne soient pas suspendues ou la radio ne soit pas fermée. Et du côté de la société civile, l'Observatoire national des élections, l'ELOP, demande à la radio Isanganiro de toucher tous les secteurs de la vie nationale. Suivez Gilbert Bekonjangwa. pour nous. C'est un adversaire d'abord qui est caractérisé dans ces derniers temps par des sanctions par le gouvernement du Burundi, par l'administration. C'est-à-dire que c'était trop dur pour la radio Isanganiro et le peuple burundais. Parce qu'au départ, la radio Isanganiro organisait des dialogues entre les différents partenaires, ce qui a fait que beaucoup de gens avaient confiance à la radio Isanganiro. Mais dans ces derniers temps, la radio a été sanctionnée suite aux problèmes causés par les journalistes, pas causés par la radio Isanganiro. Je peux dire que la radio Isanganiro avait bien travaillé au départ, mais pendant la période des manifestations, elle n'a pas bien travaillé. Alors, ça nous déplorons avec les autres. Mais de toutes les façons, pour le moment, il y a eu des corrections. Et on est en train de ramener la confiance. Aujourd'hui, nous pouvons demander tout simplement que la radio Isanganiro puisse mettre l'accent sur la stratégie nationale de sécurité pour voir ce que la CNS, Conseil national de sécurité, donne comme programme. Et à ce moment-là, la radio Isanganiro devrait aider les Burundais à s'approprier de la CNS. Et l'association Parole pour Action et le Réveil des Consciences, PARSEM en sigle, félicite la radio Isanganiro pour ses 14 ans d'existence. Faustin Dekoumana précise que Radio Isanganiro a l'obligation de renforcer ses émissions, diversifier les sources d'information et d'augmenter le temps des éditions. Selon lui, la radio Isanganiro a également une dette envers la population. Suivez plutôt Faustin Dekoumana. D'abord, nous félicitons la radio Isanganiro pour ses 14 ans qu'elle vient de boucler en informant la population burundaise. La radio Isanganiro a eu aussi le mérite d'enrichir, d'avoir enrichi l'espace médiatique burundais dans le contexte de démocratie naissante. La radio Isanganiro était l'une des médias privés qui ont contribué à informer la population, surtout que les médias indépendants constituent vraiment une base de renforcement de l'espace démocratique dans un pays. Deuxièmement, aussi, Isanganiro est une radio vraiment qui essaie d'agir avec professionnalisme en essayant vraiment de publier des informations équilibrées. Ça, vraiment, c'est une chose à encourager, c'est la radio Isanganiro. Mais aussi, la radio Isanganiro doit savoir avec ce contexte qui a frappé les médias aujourd'hui depuis la crise a déclenché en 2015. Avec d'autres médias privés, collègues d'Isanganiro, ne sont pas encore opérationnels. La radio Isanganiro doit savoir qu'elle a une dette à la population. Elle doit vraiment diversifier l'information. Elle doit essayer de là où les autres ne sont pas aujourd'hui. Et la radio Isanganiro, justement, et c'est pour ça qu'on aimerait qu'elle produise encore des émissions qui renforcent la redevabilité des dirigeants envers les citoyens. Ces émissions où les invités viennent pour expliquer certaines décisions qui ont été prises, qui concernent la population, et la population essaie de poser des questions. Les émissions à l'instar d'Okavizu ou autres, vraiment, il faut que ces émissions puissent être introduites aujourd'hui vraiment à la radio Isanganiro. Encore plus, il faut augmenter le temps réservé aux éditions d'information. Parce que, étant la radio privée qui peut aussi diversifier les formations, elle doit vraiment accorder un temps suffisant à ces éditions de midi 25, de 13h moins 5, pour disponibiliser une gamme variée d'informations. Et outre cela, nous souhaitons une bonne fête à la radio Isanganiro, à l'encourager à continuer à agir avec professionnalisme, mais sans peur. Voilà, c'était Faustin Dekoumana, il est représentant légal de l'organisation PARSEM. Dans la suite de ce journal, le parti CNDD tient à démentir fermement une rumeur faisant état de l'organisation d'un congrès extraordinaire du parti. Informe quiconque aurait déjà eu ou aura ce message que c'est une pure diversion sans fondement aucun. Les commanditaires penseraient que ce serait une façon d'affaiblir le parti dans l'hypothèse de la continuation et ou du rapatriement des dialogues inter-burundais aujourd'hui en panne, alors que c'est la seule voie pour sortir le pays de l'impasse sociopolitique dans lequel Nkurunziza l'a plongé depuis son obsession à briguer un troisième mandat tant illégal qu'illégitime. C'est un communiqué du parti CNDD et son comité exécutif saisit l'occasion pour mettre en garde toute autorité administrative qui permettrait ou faciliterait la tenue d'un tel pseudo-congrès. Le communiqué est signé le porte-parole du parti Kobako Gaspard. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le trafic sur la frontière burundo-burundaise de Rouen, commune Rugombo, en province Cibitoke, a repris ce jeudi matin, ce qui n'était pas le cas depuis mardi de cette semaine, suite à des malentendus entre les policiers de deux pays. Les passagers et les autres pratiquants de cette frontière de Rouen se disent satisfaits de cette réouverture. De cette frontière. Selon les sources recueillies sur place, c'est les policiers rwandais ne vont plus collaborer avec ceux de la PAF à Rouen aussi longtemps qu'on ne révisera pas les textes qui les régissent. Toujours dans les nouvelles des provinces, avant l'actualité internationale, certains cultivateurs de la province de Gitega disent avoir besoin urgemment d'autres semences et engrais chimiques. Les premiers semis du mois d'octobre ayant pourri sous terre à cause du manque de pluie, la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage déclare que ses stocks sont vides et demande à ses cultivateurs de les emprunter à ceux qui en ont encore, quitte à rembourser après la récolte. Arthur Kawabushi pour les détails. Les cultivateurs de la province Gitega font savoir que depuis la tombée de la pluie au mois d'octobre, ils ont commencé à faire le semis. Mais dites-ils que cette pluie n'a pas pu continuer à tomber, tout ce qu'ils avaient planté est resté dans le sol. Et les plants qui ont parvenu à sortir du sol se sont asséchés à cause du soleil. Et actuellement, cette pluie qui tombe ne peut rien sauver. Selon toujours ces cultivateurs, cette situation les a laissés dans une perte énorme car ils sont sans moyen d'acheter d'autres semences et des engrais chimiques de substitution, excepté les riches. Ils indiquent qu'ils vont mourir de la famine à cause du soleil. Ces cultivateurs demandent à la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Gitega de leur venir en aide en leur donnant d'autres semences ainsi que l'engrais chimique afin qu'ils puissent faire le semis durant ce mois-ci, étant donné que la pluie a commencé à tomber. Pour eux, si cette aide tarde à venir, ils vont y laisser la vie à cause de la famine. Manyang Helmenejid est le directeur de la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Gitega. Il fait savoir que c'est vrai qu'il y a eu des pertes, mais que ce n'est pas partout. Il demande à ses utilisateurs de se prêter les semences, comme ça se faisait dans le temps, pour les remettre à la récolte. Pour ce qui est des engrais chimiques, il a dit qu'actuellement, ils n'en ont plus et que l'engrais chimique qui a été donné aux cultivateurs devrait être utilisé en décembre, c'est-à-dire lors du premier et du second semis. Il a en outre fait savoir que la récolte sera bonne du moment que la pluie continue à tomber. Il demande également aux cultivateurs que dans cette période de changement climatique, de semer les plants qui résistent au soleil, comme les patates douces, le manioc et la banane, ainsi que de semer les légumes dans les vallées. Arthur Kawabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, à la 22e conférence sur le climat qui se déroule au Maroc, le secrétaire d'État américain John Kerry a réitéré son engagement pour les États-Unis auprès des dirigeants africains et du monde. Au Mali, le groupe islamiste en Sardine a attaqué ce mercredi une position du groupe armé de Touareg dans la région de Kidal. Trois combattants ont été tués. Et en République démocratique du Congo, les journalistes en colère ont organisé une marche entre le siège de l'Union nationale de la presse et la mairie ce jeudi après l'assassinat d'un journaliste de la radio-télévision nationale par des hommes armés en uniforme de police. Les détails avec Christella Nizigama. Marcel Loubala était chez lui quand il a été tué. Sa famille était présente, mais n'a pas été inquiété par les assaillants, des hommes en uniforme de police. Les journalistes en colère ont décidé d'organiser une marche ce jeudi entre le siège de l'Union nationale de la presse congolaise et la mairie, qui devrait être suivie par un sit-in. Le président de l'Union nationale de la presse congolaise a condamné avec la dernière énergie cet assassinat. Selon le gouverneur de la province de Kasaï Oriental, Alphonse Ngoyi Kasanji, les premiers éléments de l'enquête ne semblent pas indiquer que cet assassinat soit en lien avec son travail de journaliste à la radio et télévision publique parce que le journaliste en question n'était pas animateur d'une émission qui pouvait toucher à la politique. Selon toujours son gouverneur, une dizaine de personnes ont été arrêtées ce mercredi, parmi lesquelles des hommes en uniforme de police. Au Mali, il s'agit d'une embuscade qui s'est déroulée dans la région de Kidal, non loin de la frontière algérienne. Un convoi du groupe armé de Touareg était visé. Le groupe islamique Ansar Dine, qui a revendiqué officiellement l'opération, parle de plusieurs morts et de matériel roulant et militaires saisis. La direction du groupe armé des Touareg, de son côté, reconnaît être sans nouvelles de trois de ses combattants. Selon le site de la RFI Afrique, des hommes armés du groupe islamiste Ansar Dine font de la région de Kidal leur base arrière et ils ont le temps de saboter le processus de paix avec l'objectif clair que rien ne puisse faire sans eux. Et enfin, la deuxième conférence sur le climat qui est en train de se dérouler au Maroc, le secrétaire d'État américain John Kerry a réitéré l'engagement pris par les États-Unis à Paris en décembre 2015 auprès des dirigeants africains et du monde. Comme nous le lisons sur le site de la BBC, à Paris, les pays avancés avaient promis de financer la lutte contre le réchauffement climatique à hauteur de 100 milliards de dollars par mois d'ici à 2020. Pourtant, durant sa campagne électorale, le nouveau président américain Donald Trump avait menacé de se retirer de cet accord. Pour le secrétaire d'État américain John Kerry, il affirme que les adeptes de l'énergie solaire vont croître 30 fois plus encore. Merci Christelle Nizigama, c'est par ces nouvelles brèves en actualité internationale que nous refermons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je dis merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci également à Séraphine Hakizimana qui l'a mise en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana, nous vous souhaitons de passer un bon après-midi à l'écoute de nos programmes.